Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises, que buvais-je? À genoux dans cette bruyère, entouré de tendres bois de noisetiers, dans un brouillard d'après-midi, tiède et vert. Que pouvais-je boire dans cette jeune oise? Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert, boire à ces gourdes jaunes, loin de ma case chérie, quelque liqueur d'or qui fait suer. Je faisais d'une louche enseigne d'auberge. Un orage vint chasser le ciel. Au soir, l'eau des bois se perdait sur les sables vierges. Le vent de Dieu jetait des glaçons au mar. Pleurant, je voyais de l'or et ne pus boire.